mais quel dommage que la gueule de bois. En une journée, moi je descends mes trois paquets, la fleur aux dents. Ça me coûte un bras et deux poumons. Je noie mon état dans le bourbon. Je suis tout cuit, je suis tout cramé. En plus, je nuis à la santé de mon entourage, alors moi je bois. Ah mais quel dommage que la gueule de bois. Rond de chapeau, rond de fumée, ronge mes os, mes ces élixirs, vins et fumées. Je suis tout cuit, je suis tout cramé. En plus, je nuis à la santé de mon entourage. Alors moi, je bois. Quel dommage que la gueule de bois. Ah mais quel dommage que la gueule de bois. Ah mais quel dommage que la gueule de bois.